Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. On reste dans le thème des Jeux Olympiques, mais au lieu de se tourner vers le passé, on regarde vers le futur. Et c'est pas très beau. Les changements climatiques pourraient mettre fin à ces Jeux. Alors, on en parle avec Bérangère Capdequis. Bonjour Bérangère. Bonjour François. Alors oui, d'ailleurs, je me dépêche, il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à ce que ces Jeux Olympiques se terminent, c'est ce dimanche qui arrive, le 23 février, et puis je me dépêche aussi parce que le futur des Jeux est peut-être menacé, alors là je m'explique. Oui, s'il vous plaît. En fait, ce sont des chercheurs canadiens, des climatologues spécialisés dans le tourisme à l'université de Waterloo en Ontario et le Management Center Innsbruck en Autriche, qui sont à l'origine d'une étude. En fait, dans cette étude, leur conclusions sont les suivantes. Ils estiment que d'ici la fin du siècle, seulement 6 des 19 précédentes villes olympiques d'hiver auront encore assez froid pour accueillir des Jeux. C'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup. Comme le dit le docteur Daniel Scott, le principal auteur de l'étude qui est à la tête de la chaire de recherche du Canada sur le changement mondial et le tourisme, l'héritage culturel de la célébration du monde des sports d'hiver est de plus en plus à risque. Il ajoute, les régions traditionnelles de sports d'hiver seront de moins en mesure d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver, avec la problématique évidemment du réchauffement climatique. C'est inquiétant, mais c'est aussi un peu original comme sujet de recherche. En fait, on se trouve un peu à la croisée des chemins, là. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, ce chercheur-là est bien spécialisé. Dans son portrait de chercheur, il dit adopter une approche interdisciplinaire pour étudier les interactions entre les processus sociaux, économiques et environnementaux du changement mondial et de l'industrie mondiale du tourisme. Alors, il préside le centre de recherche sur le tourisme et le changement climatique de l'université de Waterloo. On est donc vraiment dans le thème, en fait. Effectivement, c'est précis. Et oui, alors évidemment, dans le cas présent, il y a un processus qui nous intéresse particulièrement. Je veux bien sûr parler du réchauffement climatique. Alors, plus 0,85 degrés Celsius, en fait, c'est le chiffre du réchauffement de la planète entre 1880 et 2012. Et cette tendance s'accélère. Les températures devraient augmenter de 2 degrés d'ici 2050. Alors, je ne vous apprends rien, je le sais. Et vous savez comme les conséquences de l'émission de gaz à effet de serre peuvent être dramatiques sur l'équilibre planétaire. En fait, on a déjà toutes sortes de raisons de s'inquiéter des conséquences des changements climatiques. En fait, en voilà un nouveau. En fait, quel avenir pour les Jeux olympiques? Alors voilà, et comme le rapporte un article du National Geographic, en moyenne dans les villes hautes, quand je parle des villes hautes, c'est les villes qui reçoivent, c'est pas les villes de haute altitude avec mon accent, ça peut être trompeur. Pendant les JO, en fait, il faisait en février 0,4 degrés entre 1920 et 1950. Entre 1960 et 1990, il faisait 3,1 degrés. Et en fait, au XXIe siècle, il faisait 7,8 degrés. Donc, on a pris en fait 7,4 degrés en 100 ans. C'est assez énorme. Alors, on comprend bien forcément que ce réchauffement met en péril notre rendez-vous sportif préféré. Et c'est justement dans cette optique, en fait, que les chercheurs ont réalisé l'étude qui met en évidence les difficultés auxquelles devra faire face le Comité international olympique lorsqu'il devra, en fait, désigner la ville hôte dans les décennies à venir. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris, en fait? Alors, ces chercheurs, ils se sont intéressés à la climatologie des lieux. En fait, ils ont commencé par faire une analyse statistique. À partir de ça, ils ont mis en évidence deux principaux indicateurs pour déterminer la capacité d'une ville à accueillir un tel événement. Alors d'abord, premier indicateur, des températures minimales moyennes inférieures à 0 degré Celsius au moment de la compétition, donc en février. Sinon, la glace et la neige se dégradent trop vite, on comprend bien. Et puis l'autre indicateur, il faut une couche neigeuse d'au moins un pied, même si celle-ci est mêlée en fait à de la neige artificielle. Avec moins de neige, la pratique du ski devient forcément devient extrêmement compliquée. Et puis, ils recommandent d'ailleurs deux pieds pour les compétitions les plus élitistes. Okay. Donc, les scientifiques ont considéré qu'un site était climatiquement fiable pour recevoir les Jeux olympiques d'hiver lorsque ces deux conditions étaient réunies dans 80% des hivers locaux. Okay. Entre 75 et 90%, le lieu est considéré comme moyennement adapté à une compétition hivernale. Et en dessous de ce seuil, de 75%, les auteurs excluent toute possibilité, en fait, pour qu'on y organise des Jeux. Alors, en se basant sur ces critères, ils ont analysé la capacité des 19 villes hôtes ayant déjà reçu les Jeux à les accueillir de nouveau en 2050 et en 2080. Tout ça en fonction des prédictions de réchauffement climatique les plus optimistes et les plus pessimistes. En fait, ils se sont basés sur les scénarios du groupe intergouvernemental sur le climat, le GIEC, dont on a parlé justement cet automne. Et donc, la fourchette basse en 2050, c'est une augmentation de la température de 1,9 degré par rapport à la moyenne 1981-2010. Okay. Et puis la plus haute, c'est 2,1 degrés en 2050. Pour ce qui est de 2080, donc la fourchette se positionne entre 2,7 degrés dans le scénario le plus optimiste et 4,4 degrés si on est plus pessimiste. Alors ils ont présenté en fait les résultats sous forme d'un tableau. C'est un tableau d'ailleurs assez didactique. Je peux pas vous le montrer, mais je peux vous lire un petit peu les conclusions. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, d'ici 2050, en étant optimiste, donc climatologiquement parlant, on va dire, soit 1,9 degré supplémentaire, 4 des 19 villes hôtes ne pourront plus accueillir les Jeux Olympiques dans de bonnes conditions. Alors, on parle de Chamonix, de Grenoble, de Sochi et de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Donc, on oublie les Jeux de Grenoble comme en 68 ou même de Vancouver en 2010. Ça sera plus possible en 2050. Mmh. Sochi non plus, serait plus possible. Ce sera plus possible, exactement. Et puis, il y a pire, en 2080, seuls 6 des 19 pourront les recevoir si les émissions de gaz à effet de serre restent fortes. Donc, si on est dans les 4,4, donc vraiment pessimiste. Mmh. Donc, les seuls qui pourront recevoir en 2080, ce sera donc Calgary, Albertville en France, Cortina d'Ampezzo en Italie, San Moritz en Suisse, Salt Lake City et Sapporo au Japon. D'ailleurs, D'ailleurs, ça m'étonne que Sochi puisse les recevoir maintenant. Présentement, c'est quand même étonnant. Là. Exactement, oui. Alors, tout ça, c'est impressionnant, mais pas seulement pour les amateurs de sports d'hiver. Et on imagine que le matériel aussi conséquent et sophistiqué soit-il, ne pourra pas remplacer la nature. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est sûr que depuis Chamonix, en 1924, les technologies et les moyens se sont considérablement développés. Le hockey, par exemple, qui se jouait à l'origine en extérieur, s'est finalement installé dans les patinoires à Oslo en 1952, 8 ans avant le patinage artistique et le curling. En 1972, ce sont les pistes de luge, de bobsleigh et de saut à ski qui sont réfrigérées. Et puis la neige artificielle est utilisée pour la première fois en 1980 à Lake Placid. Ah oui. Et puis c'est généralisé depuis Calgary en 1988. Ok. Et puis bien sûr, c'est quand même à Sochi 500 canons à neige qui sont à disposition, c'est pas rien. Ouais, c'est pour ce que je disais tout à l'heure, ça m'étonne qu'il y ait des Jeux olympiques d'hiver là présentement. Puis en même temps, on a beaucoup parlé de Sochi justement comme un endroit étonnant pour les Jeux d'hiver, mais parce que son climat finalement il est méditerranéen. Complètement, cette ville est avant tout réputée comme une station balnéaire. On l'a assez répété justement, la station de ski ne s'élève en fait qu'à 520 mètres d'altitude sur le littoral de la mer Noire, c'est très peu. Ça a donc été une surprise pour tout le monde, mais les raisons sont tout autres en fait et ne renvoient pas au climat. Ce n'est donc pas le seul responsable. On pourrait évidemment se dire qu'il suffirait de percher les JO sur de hautes altitudes, mais il y aurait en fait un problème de place. Ah. Depuis 90 ans, l'envergure des JO d'hiver s'est développée de façon exponentielle. Les athlètes, les infrastructures, les spectateurs, les événements, les journalistes, en fait, tout a considérablement augmenté. Alors depuis des années, le Comité international olympique installe les Jeux dans des endroits de la planète naturellement tempérés, pour des raisons évidemment stratégiques. En 1924, la ville de Chamonix recevait 32 000 visiteurs. Aujourd'hui, Sochi en reçoit 800 000. C'est incroyable quand même. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on voit des pistes, est-ce qu'il y a des solutions pour l'avenir? Eh bien, on peut installer un complexe olympique en Antarctique ou encore créer une neige artificielle plus résistante à la chaleur, je ne sais pas. Mais tout ça est plutôt assez utopique en fait et c'est surtout très inquiétant pour l'avenir des Jeux et bien sûr pour celui de la planète. Ouais. Mais en fait, outre les Jeux olympiques d'hiver, ben, c'est toute l'industrie des sports d'hiver qui est menacée. Exactement. Merci beaucoup Bérangère. Merci. Alors, on part en publicité sur CKRL 89.1. Au retour, on vous parle de recyclage et de biométhanisation. Restez avec nous.